prière et que mes cris parviennent à toi. Est-ce ta fureur ou ta colère qui m'ont jeté si loin de toi? Guéris-moi, soulage mes peines, innocente-moi de ce qu'on m'accuse. Éloigne de moi la haine, rendre mal pour mal, ça je refuse. Lève-toi et pitié, c'est toi mon rocher. Incline vers moi ton oreille, exauce-moi éternel. Chaque jour les ennemis m'assaillent, ils prennent mes larmes comme de la bière. Je n'ai plus sommeil, je te sens si loin dans mes prières. Lève-toi et pitié, c'est toi incline vers moi ton oreille, exauce-moi éternel. Dans ce désert il n'y a ni herbe, dans cette vallée il n'y a ni palais, des nuits blanches aux jours sombres, des durs labeurs aux poches vides. Lève-toi et pitié, c'est toi mon rocher. Incline vers moi ton oreille, exauce-moi éternel. Incline vers moi. Exauce-moi, exauce-moi.